Bonjour, très chers amis. Alors, on va commencer. Est-ce que tout le monde a son instrument? J'espère que tout le monde est prêt. Aujourd'hui, donc, nous faisons le couplet 3 et 4. Couplet 3. Le pauvre Jordi est mort hier soir. Ça commence comme ça. S'il vous plaît, on accorde les instruments. Voilà. Jordi. Alors ce morceau doit bien montrer le fait, je m'allume une clope en même temps, que Jordi était une sorte d'artiste moite qui a tenté d'absorber la verve des grands auteurs Brel, Brassens, Ferré, sans jamais rien créer lui-même, en ayant une vie très morne, et qui se retrouve un peu échec et mat à la fin de sa vie. Ok ? C'est le morceau de Jordi. Jordi, ça doit être un peu triste, un peu ferré justement. Jordi. Voilà. Voilà, continue. 1, 2, 3, le rythme. Le mélodica, c'est pas trop mal. Bien voilà, un côté latent, la voix sera. Et il avançait, ses beaux cheveux blancs posés comme de la neige. Ça doit être vraiment du métaphorico lourdingue, hein, quasiment. Ensuite, c'est le morceau de Construct. Construct, donc, qui tout d'un coup se rend compte que le copier-coller de son ordinateur ne marche plus et qu'il ne peut plus faire de sa routine. Il faut savoir que de U-Blog jusqu'à aujourd'hui, il a eu ce qu'on appelle une attitude de floudeur adolescent, mégalo, et très égoïste. Alors, il floude, sans s'intéresser à personne, il prend. Il connaît des gens depuis 10 ans, sans jamais leur dire « Salut, ça va ?» Non, il leur envoie une pub « Construct Actualité, mon nouveau roman ». Et quelquefois, dans la même semaine, on l'entend 10 fois parler de son... Il prend vraiment les gens pour des cons et des merdes, mais lui-même, il est dans une sorte d'activité maladive et névrotique liée au web marchand, l'humain face à la machine, comme ça, se travestit en un VRP ridicule. Donc, la chanson est plus joyeuse, c'est « Acheter, acheter, acheter, acheter, regardez-moi, je suis la belle adolescente hautaine qui va faire un défilé de mode chez Pinky. » Pinky, Pinky. Voilà, c'est un peu un truc comme ça. Ensuite, on a... Qu'est-ce que tu veux dire? Il fait sa vie et il écrit ses romans. Bah ouais, mais il nous prend aussi pour une sorte de public éternel, comme ça. On en a marre de lire ses copier-coller depuis 10 ans. Vous imaginez un grand auteur comme Nab s'amuser à faire des copier-coller sur U-Blog, sur les forums, etc. Non, il le fait pas parce qu'il a une sorte de réflexion qui, à un moment donné, voire très vite, lui fait dire « Ah bah non, c'est un truc de merde, un truc de bouffon, un truc de la société du spectacle, tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Et là, c'est pire, c'est uniquement une représentation marchande de l'ego, vous voyez. On est face à un personnage peut-être sympathique, je ne sais pas. Moi, je le crois plutôt glauque et morose et inapte à aimer, il n'est pas assez entraîné. Ce côté noir, noir, noir, il n'a pas la politesse. » La politesse de base, vous voyez. Bon, les oiseaux chantent, vous voyez, pour se parler, lui. Bon, alors, ensuite, on a fait Jordi, donc, un vieux sur le retour qui est complètement échec et mat, parce que il n'a été qu'une pâle copie de génie qui, en plus, sont dépassés aujourd'hui, enfin, éternels, mais qui aujourd'hui. Ne détiennent pas le update. On a vu Construct, activité névrotique, je vous encule, je vous envoie de la pub depuis 10 ans sans vous dire bonjour et aimez-moi et allez vous faire enculer si vous voulez que je vous aime et que je sois sympa. Ça c'est Construct, Jordi le vieux éculé. Et alors qu'est-ce qu'il y a, qui a d'autre encore? Je fume ma clope. Et après on a le troisième chapitre, qui en fait est le quatrième couplet. Qui est sur... je sais plus qui c'est. J'ai mes notes. En tout cas, c'est à peu près ça la guitare. C'est... Tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam t Ok. Alors, le sujet par contre et les paroles, je me souviens plus ce que j'ai. Je cherche dans mes fiches, là ça s'allume. Ça s'allume quand ça veut. Bam bam bam, bam bam bam bam bam. Ah oui, c'est Michel Onfray. Michel Onfray, j'avais oublié. Ah non, c'est Denis. C'est Denis qui a eu un fight avec Michel Onfray. Il est tout fier parce que Michel Onfray, c'est quand même quelqu'un. Et Denis, c'est notre ami, mais c'est rien quoi. Donc il est content parce que Michel Onfray parle de lui. Cher Denis, merci pour vos poèmes. Je ne les comprends pas et je me bats pour qu'en philosophie, comme en poésie, on communique amicalement. Ce qui n'est pas bête. Mais peut-être que Michel Onfray est un gros connard aussi, qui n'a pas fait l'effort de s'immerger dans le texte, de devenir enfin un peu divin. Néanmoins, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est Denis. Denis qui, comme vous le savez, est devenu, depuis cet incident avec Michel Onfray, un des plus grands auteurs de l'histoire de la littérature. Et dont je vais dire un de ses poèmes dès que je le retrouve. Alors, l'affaire Onfray-Denis H, c'est le truc du moment. Tout le monde en parle sur tous les sites littéraires. J'étais au café de Flore tout à l'heure, ça gueulait dans tous les sens, chez tous les libraires. Il faut savoir que c'est l'événement littéraire de l'année. Alors, est-ce qu'on va trouver un texte de notre ami Denis? Denis. Il est gentil, Denis. Il est où? Mais il est où ce con, putain? À part nous dire que Michel Onfray, il y a des textes, j'en suis à la troisième page, là. Ah, voilà. Poème abstrait, de Denis H. Papier jauni sous les lampes orangées. Jeu de cartes dans la salle de l'auberge. Il y avait 1000 chemins à suivre, mais le garçon a préféré regarder la lente chute des gouttes d'eau. L'épaisseur d'un trait de crayon. Les seuls endroits où il soit présent, quelque part dans une vieille mémoire fermée par une malle, dans la soute d'un cargo. On croit souvent que c'est le moment pour qu'il se passe quelque chose, mais nous sommes toujours ailleurs. Et c'est pour cela que nous ne souffrons pas. Le visage d'un autre est resté dans la vieille malle. Les phares des autos. Éblouissement complet qui éblouit les yeux des amoureux. Je regrette un temps de jardin et d'écriture où je vais chercher une main, la tienne, fripée et mourante, les os secs et les yeux pleureurs. C'est pas mal, Denis, c'est pas mal. J'aime bien la fin. Je préfère la fin que le début et je crois que ça te fera rire. Voilà, et nous finirons avec une lecture de Dostoïevski, l'idiot. Il paraît vouloir déchiffrer quelques traits mystérieux qui, dans ce visage, l'avaient frappé tout à l'heure. Sa première impression ne lui était pas sortie de la mémoire et maintenant, il avait hâte de la soumettre à une contre-épreuve. Alors, il eut la sensation encore plus intense que ce visage exprimait, outre la beauté, quelque chose d'exceptionnel. Il crut y lire un orgueil démesuré et un mépris voisin de la haine, contrastant avec une certaine disposition à la confiance et à une étonnante naïveté. Cette opposition dans une même physionomie éveillait un sens sentiment de compassion. La beauté éblouissante de la jeune femme devenait même insupportable sur ce visage blême, aux joues presque creuses et aux yeux brûlants, beauté anormale en vérité. Le prince contempla le portrait pendant une minute, puis, se ressaisissant et jetant un regard autour de lui, il le porta à ses lèvres et l'embrassa. Lorsqu'une minute plus tard, il entra dans le salon, son visage était parfaitement calme. Ainsi qu'une lecture assez courte de Saint-Exupéry. And then the star was shining.